ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيوة وما ولا غدر دونك فنا رميهم في ناكي تفي كتاب فلا كرموا بيان نباهم ب مغير سيفي ما أنو وكذلك مغي آغورون في كرموا ما سينغنون ب parce que mingin de non fa de talbis raba e ma yon di kitabu en fe nan sema alima birinara o mara famu donc on nasira e fla ki an re alu mi ge gurum fe mula ma mi nan gurum mi ge nan non di fari ne ge nan non di fari non di le ben tulabu al ilmi na kra fari maintenant i fi raba al ku ye ye ge be ye ge ga fi ma gurum mi ge ye me na ga bida to ge muso ko ikwi. Donc on a ouvert un grand canyon à mon adénaire. Bientôt tu es bien musso réécrit. Donc on a qui il a tongo plan de bien aneira et dans qui ma plan de ma alcool n'aura non maniade. Ira mais qui n'aura non de fari. Ira non ira non di berundo bi ira non ira non de la nyaro de mes ma. Donc car mon a fa point ira n'a récité. Alors il a tongo des fois il m'a rendu et voilà il n'aura non. Ne naga na ki mege ni ranege wa ma lon dilema alko nan sema alko e wa fe mege nege bena ki na kan ga fe gbo mege nege ya na ki e ga fe nega no nan na ki a wa fe di medina nege wa fe non dilema alko nan sema ne naga ya ti naga wa ma na wa na kan falare don nan naga na ki mushkila don na bin dangi gambi karamo ko abarge problem e birin falade don ga fara nyongo mbe nan sema a fara nyongo mbe seri nanna maintenant seri allo mi gina gambara abara allo azza wa jalla bara ra yarbira masalan atan awama mi ge non di makene fe mi ge be maintenant fa mi ge sto ya koy ne ge nakra na na ki ina bari ma mi ge yare muti ma mi ge non di to do atalla ma ganan siraba o mara famu donc ina fadl ina faslu al ilaj donc ana ge o mara na de na de seri khafima ou bien dandan khafima di nan vargi ene wa man bulia bi shay'in min hadha al makr don ga salim gi nan gambara ray rabbi ji mge gayi plan na ha e gayi plan na ha aga dabantiya mge nan gambara abara ray rabbi mge gana dabantiya ra masalan wa mafafi non dira me afasali son mge ndena na mge minima yara alko ira dabarantiyan dira balko mege na fanato ana falyattaqilla donan gana kalama gana siraba aha aha ga Allah azza wa jalla yara sadi ga ko Allah azza wa jalla yara e wali raba alluma ya Allah azza wa jalla ya tagina tun fenga na waliki wa kadhalika ibra rasul sallallahu alaihi wasallama fora donc asingena nake wa yasta'in bihi amanga mali fi Allah azza wa jalla ya ra amali fi Allah azza wa jalla ra parce que Allah azza wa jalla khamali mugyomuna ma fenin dira kont ana wa yasbir amanga sabari parce que nasima ifegbe bi raba mana ife kone rabara me aha sabari onaklo umara sabari ghafi gara asabari naima nay wa kadhalik salun sai wa kadhalik abwenki donc asabar ne birina donc fe yun kone ne birina ba ma gara asabari ana fa innal aqiba littaqwa barma fira nyonya ranyoyi nan de ana ya Allah ya raga ku fi nan be kwa study mi gine gine Allah azza wa jalla ya raga ku nulu Allah azza wa jalla ma ina tungu khairi dongora ana ni nan be donc jibe na ga ki on ara ko rosiki fain donc nam nyome ne birin faqi e birin dangi kirana ma donc e problem stogone ona ma yon de salafi ya lo karamo na falafe ki ana mi wa mane e ga salafi ya ga siga sanke problem yomeli nanani adetar sor ki gale fenen dira ba ino mali de la plupart mirine ge allo par exemple na difa badi han mara fek bata alima e khwani ge na interieur souvent la plupart ne na wa ma fema mais won ta alima ne ge na capital ra khuru mirine ge wa mama donc mi bebe wa mana salafia dangi sanke ta mutoro kwa anu namuno mara badi anaga kama qala Allah ta'ala ba'da an qissata يوسف وما حصل له من انواع الاذى بالمكر والمخادعه والمخادعه والمخادعه بارك الله فيك دونك انا غير Allah azza wa jalla menge teri ato geri Yusuf alayhi salam ra qissa falade wa kadhalika fi na masto kilfira torima anri masto anu dabarantiyan ganna bara study e kotan ri raba anu madahui ganna bara ana kadhalika makkanna li Yusuf fil ard donko anere nananiye anere nakinara munaga Yusuf las rasabati bohima Omar afamu afine rebir masto study akhirin rebir masto na kambi nasema adangi kire namma adangi kire namma Allah ngazo jala dongara sona na geni swaira ana wa qala Allah ta'ala hikayatan anhu annahu qala li ikhwatihi anaga nadanya Allah ngazo jala mengeti gawai anaga amanaga ira qissa amana ya qissa ton ya qissa fala fi Allah azza wa jalla nare Yusuf ne alayhi salam nare anga kirimbe ana Yusuf anare ntana na Yusuf ra wa hadha akhi ana jin ga kinga kirine ana ya qad manna Allah alayna ana Allah azza wa jalla barne menti ya mumma da Allah azza wa jalla barne menti ya mumma megina ke finya kada bari abara masa Allah azza wa jalla malge ya toge sabari de Allah azza wa jalla nare mera babe إنه وقال تعالى في قصته في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده أنا من جهة غاوي من موسى عليه السلام قصة أنو نغن بارا وكذلك نغن بارا مغيرا كالفيرا في غنى فرعون في غنى غير بارا أنو فرعون دبرتيان غير بارا قال لقومه أنا Musa alayhi salam anare arata mereba ou bien arame rebe ane istainu billahi wasbiru anare wo malifi Allah azza wa jalla ra o mango sabari donc dalil ene ki chega farsi sangay negra anare na tongo na se olama na fi migina barra ya rabbina ra alama taqwa khallu ayira wa kadhalika na se lama lama aha malifi Allah azza wa jalla nange asabari donc afafi na dalil ene na ombeki omara famu donc you Musa alayhi salam malgré que Firaun to nabir nabana siraba anaga nebe anaga ira ira sabari c'est-à-dire mali fi Allah azza wa jalla ira sabari donc ini sabari Allah azza wa jalla ajeni so manayira ina wa qad akhbara Allah ta'ala anna al-makra anna al-makra ya'udu wa ya'luhu wabaluhu wabaluhu aywa نعم يعود وباله على صاحبه دون الله عز وجل بارو خبري فسخلما ادبنتيا ان يكوتان غير باما مكي كوتان غير باما ان كوتان غنك اغبل مندي ما غبل ما رباما نن نغان يو كوتار باما ستادين كوتار با دون غير الكو نغان ما ني دي نغينا كرافا دي غني كانا انا لا شك غبل متنما اما تو نغي بيدين سند ربا افلفله الوسين دكان فين غبل نباما غبل ندي ما ابار غبل ما ya ko sona bar folu sona lo alu da koi na se ya mbante ay dina ge ma ah voilà donc associé sosé ratalina ina ya mbante ay dina ge ma ramato on mara famu aywa donc kan kan yo ina kolon study na kan yo na ji fi model qui ira ko lo rasalina na qui to tarna na na kafa mane gbilindima kay yam fati fi parce que o nyama ina tongo saha bar magawo Omar famo qasal ikhwan ri katafi akun nga no mani di non di makel ma mere be mere ba araba ta'assub ma iraba brafi sadi mere fukora nake taqlidan wa kadhalika iraba irasusi nana sala ko mere garam makana dine gano ji salafiya to le comme ça c'est droit mais tay tam falu dunguira in bombo mere kir dakhra na ikhwa modelima ira ko lo to utar nan nga ka famana bilindima to utar famana bilindima ila mi ngi ngi birna nake mo ma mi ngi ngi birna ngi to utar birin famana ji dema donc on ngani edoin ene qala ta'ala ene wala yahiqul makru as-sayyi as-sayyi illa bi ahlihi donc ina tongo a study ko tawbi dambarante ya fenen de kwi amulan dende ma fo migi nakai nakira baqi study amu bila man dende ma fara ba ma don ko ta ra ba ma ya raba kifai ene wa qala ta'ala wa kadhalika ja'alna fi kulli fi kulli qaryatin akabira mujrimiha donc nana anaga nakinara munalugne tayota donc cher na tambira babe anaga be amafla d'arabie saoudite amani amafla arabie saoudite study nata nanga naki amege lugne ministeri miki kumbi itala karabui maintenant ne findi nansira e ka findi stadi bandira ha miki e findi bandira stadi non di no fatu egiri o mana famu dona nani yahi ina to wona na kan farito miki ona ramani yahu ino mai dawatu salafiya dana ne ino miki yoto etan siga ha ahlul bid'ah miki na kan bara non di le ko biske sa do ne setma il doit en essayer maintenant nan nan naki naman gamani tam présenter merebe ani tam présenter merebe donc wa ma biri nga noti data nga fera maintenant naman ge mere man fa fa muqarrirata en fa fa taqrirati batilara en afle nga non nga naki sulub fa ina nana yida mere ke fera dinema oslab mundu panaki nan nga naki na cda atama atamuna sunna fari sadara cda ma wa salafi mara asalafi ya girma meta tan fama meta khala asali ifa ka yirena alko na ngano madiano ma fale eske la mere kam makene nyama be eske ma yire dungwina na enwa ya be nani ya karmo na ngafla na ki donc on a sender a ki fine donc on a menu comprendre alo na ngafla ala san so ka maktaba meni o mara famo parce ala san so ka hal anu maktaba na ni gbete yira na ke ka hal ke mara ala san so mi na na ngasalafi ya girma aslan. Donc maintenant comme est-ce qu'il y a un homme qui a des menis, il s'est amené ça, kitabu saranama. Donc on bire nana ki, donc nana na kitambi to rabago bongo nga kida kuna fanya. Est-ce que kitabu na kire nanyira? Pali na tongo maktabati nana, maktaba ibege nana. Sende ndike na terama. Na maktaba ndike na ki, ino mali kitabu dunia na namuna na. Maintenant pour qu'est-ce qu'il y a mena, hatta anta maraska kitabu saradama, nska kitabu nanga abena nga ngwa wajibat na ngoma. Asa kitabu na sonyira wajibat na wa nga fekama. Nga ade akono directement awona neka ana pe wajibati bata yomuna ma fota tauhid Allahu directement ana falambe raita study. Je suis allé chez lui pour acheter un livre quoi chez Alassane Sow. Je suis allé acheter un livre là-bas wajibat c'est là je cherchais sharh wajibat quoi de cheikh Ahmed cheikh Yahya Najmi aywa Abdallah Qaraa. On ne sait pas comprendre. Voilà, je cherchais ça. Maintenant, je suis allé, je lui ai demandé ça. Il m'a envoyé un autre livre sur lequel c'est inscrit Wajibat, quoi. Maintenant, je lui ai dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, ah, vous ne connaissez aucun autre Wajibat, si ce n'est pas Tawhid. Ça aussi, cela aussi, ça fait partie des Wajibat. Directement, c'est ça qu'il m'a dit. Directement, c'est ça qu'il m'a dit. Nous a donné un Wajibat qui parle de la jurisprudence. Jurisprudence, pas du Tawhid. On se fait comprendre. C'est-à-dire une manière de, c'est-à-dire de rabaisser le fait de s'occuper trop au tawhid quoi. Vous voyez? Donc nan nan nan ki ola mo ngonga khlira kuna kay fany. Lo ande won ga kiren fansi akene allo frère dieu frère non dieu frère yangride. Attends ce que attends man yirege o di mufti Abubakar. Mufti siga yire. Asiga na fansi ga kitabo sarade. Et voilà tout. Maintenant, directement, on a mufti bé, alors c'est un bas de karmna, on a l'oué. On a mufti bé, on a, ah, alors c'est un bas de karmna, ou y'a qu'on a qui n'y a. N'est-ce qu'à kitabu saradabé. C'est-à-dire, mufti était parti là-bas, il y a un frère qui était parti pour acheter un livre chez lui. Il y avait alors c'est un bas de karmna qui était là-bas, quoi. Il était gardé comme ça. Maintenant, directement, il dit, ah, mufti, ou les salafis, c'est votre ennemi, ça, hein. Ah, c'est-à-dire, en rigolant, quoi. Est-ce qu'ils ont donc, maintenant, comment est-ce que Migino Masgadi, tu peux voir quelqu'un qui se dit salafi, maintenant s'assoit avec ce dernier, il rit avec lui, il mange avec lui. Voilà. Et puis des fois même, ce dernier même, quand il voit un autre salafi, il dit que ah, c'est lui, cher tel, tu le connais. Ça c'est pour montrer aux gens, il est avec ces gens-là quoi. Maintenant, tu vois des frères qui se disent que non, non, le cher là, non, il a un bon uslub quoi, il a une bonne manière pour appeler les gens quoi, vers la dawati salafiya. Pendant que les savants, ils ont mis en garde comme ça. Quelqu'un qui a insulté les savants. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir certains frères qui ont la rancœur, hein, la rancune quoi, contre Cheikh Rabi. Pourquoi? Parce que tu les vois, dès qu'on dit Madakh le Jamia, ils font difa à qui? Ils font difa à Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Mais pour Cheikh Rabi, ils se taisent. Ils se taisent. Maintenant, cela, la situation là, ne s'est pas clarifiée. C'est jusqu'à ce que un truc est venu quoi, comment dirais-je, la fitna qui était entre Cheikh Mohamed Ibn Hadi et Cheikh Rabi Hafidahumallah. Donc c'est quand ça s'est tombé maintenant, ils ont commencé à faire sortir leur venin maintenant. Tu entends, tu les entends dire, ah, les gens ils prennent Cheikh Rabi comme si c'était un prophète. Qui des salafis a pris Cheikh Rabi comme un prophète? Qui a dit que Cheikh Rabi il est ma'soum? Tout salafi qui dit ça, c'est pas un vrai salafi. Ah ouais. Mais il y a des frères qui disent ça, qui, ça veut dire, dont on considère que ce sont nos grands. Maintenant, aïna salafi ya fi hada. Allah musta'an. Il est walwaqi ya yashghalu bi dhalika. Maintenant, il y a un stade où on a un stade où on a un stade où stade où on a un stade où on a un stade où on a un stade où on a un stade où sabara wa akhbara nas donc anaka yona amato anaka mato iraba masalan anaka togo khibari ma ne bar dangi abara tarikh mato ne mato ane wa tawakhikh al alam wa kadhalika dunya histoire anaka mato kifay ane waqafa ala akhbari man makara bi akhihi fa ada makruhu alayhi don nabiri mbara masi anaka yonu yamfetungo inaka yamfetungo inaka araba inga kenna dungura nananga ne la shaka longa gile manema. La chaka wana wakati na ka raba fi mega yam fa kata fi alko na ganu madire iko ande fama iko ande amato ina to iko ande na alu na senene ki comment dire je adifa badia iko ande na re ragla ba gane na ma mente to wana ikhwa to wana e wa mane ga fi na nyam fi no anana gana na we ne fala kana kana mula mana gana we fala mente ma fama dalil na nsela apa si afulani na neki apa si afule na neki ana mula ma we na be neki. انظر الى هذا انت لا تتكلم في اهل الباطل اذا تكلم الاخوه بعض الاخوه وهذا يغضبك ايضا نما جاما يراكو متى ده فاي نما ان سيف لما مكرم دون يرا نرده ليس برد علمي نعم ليس برد برد علمي انت لديك علم لماذا ما ردت عليه انت ان يرا ما بركه مراد رباما يسكتون. Hatta le frère, comment dirais-je, Ibn Malik. Al-Labawi. Ibn Malik, docteur Tefafratoum, a dit que le mas'ala, au courant de l'al-Mudaharat, a mas'ala tout, ikhtilafi, a baina, baina l'ulama. Maintenant, Ibn Malik, directement, n'a pas sa chère, Fawzan Rawayna. Cheikh Fawzan Rawayna, directement, Ibn Malik, il faut dire son nom, afin de traduire. Maintenant, le frère, comment dirais-je, Daoud, donc le fait que tu as fait la tu as fait la mon ami me dit que non docteur Baramassing parable is bien ça dit alors le roi qui quoi maintenant qui et ma mère est tombée mais elle docteur man question qu'elle pose des nains au docteur Kazamahori question qu'elle pose au docteur Kazam wa kazali ki et ma docteur man m'attend man ira du russe qui man han jusqu'à ce que tout l'abbé Baramang on s'est dit que docteur n'a qu'à wa salafi comment soit la salafi yad quand la salafi ya sera et à salafi ya sera ta halawatan. Il te voit ça. Sali, Alima Salafi, à Barafi, n'a pas fait de bonbon, n'a pas fait de bonbon. Il ne fait pas de Salafi, encore Salafi, Salafi. Qui est Amara? Il a dit que c'est ma. Il a dit que c'est ma. Il a dit que li najatihi wa salamatihi ala al-ajab ala al-ajab al-ujab. Donc, il a dit que Moussa alayhi salama. هذا في حق موسى عليه السلام املا دونك لكل احد لكل احد اوا دون انا انا كي نبر ما ستدي غيا ام فبل ما دون انا ما في ما نما في ما سبب ودا اكاين جيني وكذلك كاي مان كيسي افصلي سلون مكابه نعم مكابه مكابه بيرم بكوا علي ما مغا ما نكو دين انا منو ما كيسي دفو اتم الله عز وجل عربي نكوي malgré que مغي بر في موديل بير نبا ما الله عز وجل عربي نكوي دون انا تو مون فانسو سينا سيرا با في ليري ono nga kire na ngambiri na umbora maintenant bara fera ba atangundi yati akole na lera mun na fari maintenant bara c'est jusqu'à ce que atangundi yati bara abara fala ne kai ashar rahi ruhaili maghore abara fala wa afre de bara fala bar so masalafi ma shar ruhaili makola na ngamfari na makola na ngamfari maintenant ego e man gason ene a eto gason na na ne karma fa red na nabi ke na sala ba ma c'est comme si e kitabu na tongo ma ale fa fe na shi garaba de mribe. Allez, Nassir Arbafé, parce que notre frère n'a pas de mouaouia. a kitabu tunga afafi a hadadi rasin ya kana mara se mere be kwa hadadi rasin na ma hadadi rasin menta na ma se fe menta na se pala fi a ka susi na na se da de fait que mere bara so akolon fe wai karama wa na batin nan fare alko na kana ma ne de na karama wa na kana ki na na ranya ko mere ma ase mota ra kele kana ma a hasad na na ki a na ana se fi ma ma na se na yira na mu na mu yira mun ga ibra na se ma na hasad na na na se fa ma ma nana se fama mama men bila fe bila ta to kora won bila ta ni te won go pa na ga ko bila ta nan naki eta gundi ya ti mun ma susa de afra parce que frayo na afra na salafi na re fama le programme eta gundi ya ti ya man ga biri na na sala biri na fara e biri mara fle de ra parce que ka condemn de sa blane ape ji di ka na de na ga yo na afra salafi na anta ya ti bara konta fle na sala eta gundi ya ta ko salafi mun naki men ta o te ma ogoro a te ma o ogoro nan se ma men ta ikoy kana fala sono ya fala inaka no nana na ke hasan nana sen men ta ah imange yo ka rande ma fala inaka no es na pourquoi wa efasir na ona audio na kana ke de faire que bala sa groupe pour que imange la efasira parce que bila ko lo inaka salafi munaki sira ina ndu mane nanu ina ndu audio ndu mane na fala fa salafi nan naki ina fala salafi nan naki bil batil salafi fini garadi salafi fini ha salafi ko lo nangono salafi ko lo nangono maintenant konde lo ka ke bar wa tawhid mabe na afra ma leer bira naka non na arasul sallallahu alaihi wasallam to faga andelu amislimenalu mi afra ma naka non ntam maulud ma participer men maulud nsika ma beni sadaka en invite nsika mane kay na invite maulud nsika mane me na na naka ma sene ma kay ko do so ina dum mane salafi ga wena naki ha ko na de ka men te na to go salafi na se flama ina to fudel bin ayada arafa ma enu kwase enu ba bare nu kwase a prefere ni da kala bere kan bid'a to kala ara ya ko bid'a to pou kesa ma meni menta me gani gas ni afla ina salam menta e ka kara de afla nan sa de salafi ne ke an warafa na ma mura fa na kara mo munta ga yo munana munta salafi mara salafi mara iwa arafa ma mura fa ma menta ka salo kara mo fa mbara na nan fukora na pa na na ki munna na se ma ina to maslaha na pasi munga kire na na menta an na mumbi na kra kire nan fukora menta ka sali munna ara si parce que ana magife mo kham na garasi ana kame alhamdulillah me ga mara me mun bayan na ba me ke be me ke ko lo wana na kham fari parce que afafe na kana naki afafe me ke na naki donc awama dimi to ngofia me ngira sin problème pe maintenant taklid na me ke gira o moye kitab o ni kitab fo le kharanga ne maintenant taklid na me ke gira e mo me ba fe taklid ra taklid ya ama maintenant ta'assub ra ba me ke kham bra donc na ga yon na pi e ka ko le mushkila ne ma parce que yahude e gare na ki na de fait que to bere karma e fo ra avec lui ma Sénégal amono nyaaki jusqu'à bara siga sono maintenant shirkiyat ana faradi sono khalis salafi nan siga ma fay boya faqa ina wala udhakarna ba'dha mawaqi'a min hadhi min dhalika la tala alkitab ana ghasali khalasali no ulung onaga tadi felende fala obia lingira de fala no onaga fa felende la ji kitab ko ana kitab a asenne mane kwa a ayyam manenu o mara famu kitab ko ya manenu alo par exemple khassali ana afra dalil e dwi bi khafanira ji fe manu ana kitabu fala wattasa al khitab nan alima awa en khafala falima na wa en khafana fa yamane agbegbira donc alima kitabu afinima kitabu bele bele ana wallahu muwaffiq donc allah azza wa jalla nana lan sawabira an li sawab wa alayhi qasdu as sabil donc qasdu as sabil nam wasat yani وسط الطريق واترنا الاعتدال ايا ادون اترنا كرا ستادي لا تجي راكوا ها كرا تجي قصد السبيل انا وهو حسبنا ونعم الوكيل دونك اترنا نفلم هذه سوسوي ها اترنا هو سيرا ونعم الوكيل دون انا تنغو توكي atanan tukila fanyila ina wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fikum amin fikum barakallahu tayyib shaykh abd salam barjas rahimahu allah ta'ala nam intaha yani intaha kupe wa kupula nam